Chapitre 4. Le château de Neuville. Le courrier que Jean avait envoyé dans la matinée s'était consciencieusement acquitté de sa mission. Les deux domestiques, le concierge, le jardinier, chargé de l'entretien du château, s'étaient aussitôt mis à l'œuvre, de sorte que Jean trouva tout le monde sur pied pour le recevoir. Les braves gens ne le connaissaient pas. À peine même avait-il vu 5 ou 6 fois son père, qui n'avait fait à Neuville que de rares et courtes apparitions. Mais lorsque Jean, après avoir mis pied à terre, s'avança vers eux et leur demanda si ses ordres avaient été exécutés, ils reconnurent la voix du maître et protestèrent qu'ils avaient fait de leur mieux. Dans l'antichambre, en effet, la femme du concierge et celle du jardinier, dans leurs plus beaux atours, attendaient la venue de leur jeune seigneur. Dans le salon, lustres, candélabres, girandoles étaient allumés et resplendissaient de 1000 feux. La baronne et ses filles venaient d'y entrer. Julien et Jean y pénétraient derrière elle, lorsque Madame de Coissy, désireuse enfin de témoigner sa gratitude à celui dont on lui avait tant parlé et à qui elle devait une si généreuse hospitalité, aperçut Jean et laissa échapper un petit cri d'étonnement. « Comment ? » fit-elle, en se tournant vers le comte. « Monsieur est-il donc ce Jean Michaud dont vous m'avez si souvent entretenu ?»« Lui-même, oui, madame, » répondit Julien, interdit. « Vous le connaissez donc ?» De vue seulement, mais il nous a rendu l'année dernière, André et à moi, un service que je n'ai pas oublié. « Quel service ?» demanda le jeune officier, stupéfait. « Comment ? Je ne vous l'ai pas raconté. Je ne m'en souviens pas. »« Je vous en prie, madame, » interrompit Jean. « Ne parlons pas de cela. La chose n'en vaut pas la peine. Mais au contraire, monsieur, parlons-en. Puisque nous sommes décidément destinés à nous rencontrer et que je suis de plus en plus votre obligé. » Alors, se tournant vers Julien, « Vous vous rappelez sans doute qu'au mois de septembre dernier, j'allais passer quelques jours à Versailles, que mes filles n'avaient jamais vu. En effet, dit l'officier, vous m'en avez parlé. Or, poursuivit la baronne, un jour que Valentine, indisposée, avait été obligée de garder la chambre, j'étais allé me promener dans le parc avec André quand tout à coup un orage épouvantable. « Ah, j'y suis !» s'écria Julien en riant. « Un jeune homme s'avance à votre rencontre, vêtu d'un costume de soie mauve, vous offre sa chaise à porteur et, tandis que vous y montiez, un peu à votre corps défendant, reçoit consciencieusement la pluie à la portière et vous accompagne jusqu'au château où il arrive, trempé et crotté comme un barbet. « C'est cela, » fit Madame de Coissy. « Je savais bien que je vous avais conté cette histoire. Seulement, vous la travestissez en des termes que je suis bien certaine de n'avoir pas employés. « Mais non, madame, ce n'est pas vous qui me l'avez raconté, » dit le jeune officier. « C'est Jean. » Il m'a même avoué. « C'est vrai, madame, » interrompit Jean en adressant son ami un regard foudroyant. J'ai avoué à Julien combien je craignais de vous avoir paru ridicule dans le pitoyable état où ce déluge m'avait mis, et j'ignorais alors que ce fut en votre compagnie que cette sotte aventure m'était arrivée. « Mais ne vous défendez pas, monsieur, » protesta la baronne. « Nous vous avons plaint de tout notre cœur, je vous le jure. André, surtout. Nous tremblions qu'il en résultât pour vous un accident fâcheux, et bien souvent nous avons regretté de ne pas vous connaître afin de vous transmettre nos sincères remerciements. » Jean devint cramoisi. Sa contenance était si embarrassée que Julien, comprenant la fausseté de sa situation, crut devoir venir à son secours. « En effet, madame, en me contant cet incident dont il était le premier à rire, Jean m'a confessé qu'il ne vous avait jamais revu, si ce n'est hier au cours La Reine, » corrigea Madame de Coissy. « Il est vrai, madame, » balbutia Jean, de plus en plus décontenancé, « mais je n'avais pas eu l'honneur de vous être représenté et je n'ai pas cru pouvoir me permettre. » « Peut-être. » Tant était vive son émotion, n'aurait-il jamais trouvé la fin de cette phrase si fort à propos un laquais n'avait annoncé que le souper était servi. Il profita de cette occasion pour offrir son bras à la baronne, qu'il fit asseoir à sa droite. Derrière lui venait Julien donnant le bras à Valentine et à André, avec qui il causait sur le ton de la plus grande familiarité. Cela n'avait rien d'étonnant, puisque la mère de Julien était la plus intime amie de Madame de Coissy, que leurs enfants avaient été élevés ensemble et que le jeune officier allait épouser Valentine. Cependant, sur le premier moment, cela choqua vif argent. Il est vrai que ce sentiment de jalousie n'eut chez lui que la durée d'un éclair. Il aurait bien voulu placer André à sa gauche, mais les convenances, non moins que le droit d'aînesse, réservaient à Valentine cette seconde place d'honneur. Il l'invita du geste à l'occuper. Elle accourut et Julien, sans attendre que son hôte l'y engageât, s'assit immédiatement à côté d'elle. Restait André, à qui Jean désigna gracieusement, quoiqu'un peu à regret, la chaise qui demeurait vide auprès de la baronne. En entrant dans la salle à manger, les dames avaient mal contenu un cri d'admiration. En effet, le jardinier en avait fait une véritable merveille. De la serre, il avait extrait les plantes les plus rares et les avait disposées en massif, entre les deux fenêtres, afin de garnir cette pièce un peu vide. Sur la table, pour remplacer l'orfèvrerie, il avait semé des fleurs à profusion, parmi lesquelles les roses de toutes nuances et fraîchement coupées répandaient autour d'elle un parfum délicieux. Au milieu de cette odorante moisson, en avant d'effrayantes primeurs, se prélassaient des pièces de viande froide, savamment dressées et enveloppées d'une gelée appétissante. C'était la femme du concierge qui avait exécuté ces chefs-d'œuvre de gourmandise, dont elle avait autrefois, dans une des plus grandes maisons de Paris, étudié la succulente composition. L'odeur pénétrante qui saturait l'atmosphère, l'aspect de ce parterre multicolore, de ces mets dorés, de ces fruits savoureux et précoces dont la nappe était couverte et sur lesquels deux candélabres répandaient leur clarté, avait prédisposé les convives à un sentiment de bien-être qu'ils n'avaient pas goûté depuis longtemps. En effet, ce départ précipité, qui ressemblait à une fuite, ce voyage silencieux par une nuit obscure, la crainte de ne pas arriver à bon port sans s'exposer à des dangers dont on ne pouvait prévoir les conséquences, avait pénétré jusque-là tous les cœurs d'une crainte insurmontable. Ici, au contraire, on se sentait si bien à l'aise, si près l'un de l'autre. On respirait avec tant de plaisir cet air embaumé que les visages s'épanouirent. Servi par les deux laquais, le souper fut unanimement déclaré exquis. Quant au vin qui l'arrosait et qui, depuis 5 ans au moins, n'était pas sorti de la cave, ils eurent les honneurs de la soirée. Jean, en apparence très occupé de ses deux voisines, ne cessait d'observer André dont la touchante beauté lui apparaissait enfin dans tout son éclat. Elle aussi levait sur lui de temps à autre des yeux timides. Plus d'une fois, leurs regards s'étaient croisés, et il avait semblé à Jean que les joues de la blonde jeune fille s'étaient couvertes, chaque fois qu'elle se détournait, d'une adorable rougeur. En ce moment, il faut bien l'avouer, il ne se préoccupait plus de l'abîme que la naissance creusait entre eux, des impossibilités auxquelles son amour allait se heurter, des cruelles désillusions qui lui étaient réservées. Il ne voyait qu'une chose, c'est qu'elle était belle et qu'il l'aimait. Il ne cherchait plus à se vaincre, à lutter contre la passion qui le dominait. Se faire aimer d'elle, c'était son unique ambition. Vivre de cet amour ou en mourir, tel serait désormais le mobile de toutes ses actions. Pendant ce temps, l'heure s'avançait. On était encore à table quand minuit sonna. Madame de Coissy poussa un petit cri de terreur. « Minuit !» s'écria-t-elle. « Mais voilà des années que je ne me suis vue à table par ailleurs. » En disant ces mots, elle se leva pour donner le signal de la retraite. Jean la reconduisit au salon et fit appeler les deux femmes de chambre pour qu'elle conduise ces dames dans les appartements qu'on leur avait préparés. La baronne adressa à Vif Argent de nouveaux remerciements et sortira, suivie de Valentine et d'André. Julien et Jean restèrent seuls. « Parbleu !» s'écria le jeune cornette. « Voilà une rencontre à laquelle nous ne nous attendions ni l'un ni l'autre. »« Certes, » répondit Jean. « Et que vas-tu faire ? Te déclareras-tu ? Demanderas-tu à sa mère la main d'André ? Allons donc, » fit Jean en haussant les épaules. « Tu sais bien que ce n'est pas possible. »« Mon cher, » répliqua Julien d'un ton doctoral, « tu manques de confiance en toi. Je ne cesserai de te le répéter. Rien n'est impossible à un homme qui possédera un jour 25 ou 30 millions. » « Soit, » accorda Jean, « mais tu m'avoueras que dans les circonstances actuelles, une démarche de ce genre serait horriblement déplacée. J'aurais l'air de demander à Madame de Coissy le prix du service que je lui ai rendu. Soit, mais plus tard. » « Plus tard, nous verrons. En attendant, comme tu as failli me trahir déjà, » reprit Vif Argent, « je suis forcé de réclamer de toi la discrétion la plus absolue, relativement à la confidence que je t'ai faite. Et j'exige que tu m'en donnes ta parole. Puisque tu tiens essentiellement, je te la donne, mais je ne comprends pas très bien. Eh, mon cher, que veux-tu ? Fit Jean avec un peu d'amertume. Ce n'est pas ma faute si je ne suis pas un homme comme les autres. À leur tour, ils regagnèrent la chambre qui leur était destinée. Alors seulement, quand il fut bien seul, Jean put se livrer sans contrainte à l'immense joie dont il était possédé. André était donc là, près de lui, chez lui. En vérité, c'était un bonheur auquel il n'avait jamais aspiré. Combien de temps allait-il durer ? Madame de Coissy n'avait pas accepté sans une certaine hésitation l'hospitalité qui lui était offerte. Sans doute, le château de Neuville appartenait à Michaud, vieillard de 70 ans, dont l'âge et la situation n'avaient rien de compromettant. Mais en réalité, ce n'était pas lui qui l'offrait cette hospitalité, c'était son fils. Ce fils, la baronne ne le connaissait pas et croyait bien ne l'avoir jamais vu. Quelque éloge qu'eût fait de lui le jeune comte de Montbazin, elle s'imaginait ne trouver en lui qu'un jeune homme, bien élevé assurément, mais sans conséquence, ayant conservé de son obscure origine quelques taches ineffaçables. Aussi, ce ne fut pas sans un désappointement voisin de l'appréhension qu'elle reconnut en lui l'élégant cavalier qu'elle avait rencontré à Versailles, celui-là même dont le visage, le costume, les manières distinguées avaient réellement laissé dans son esprit un fort agréable souvenir. Pendant le souper, et avec la ferme intention d'y relever un défaut, elle avait attentivement étudié les traits, les extrémités, le langage, les allures de son jeune amphitryon, et avait bien été forcée de reconnaître que bon nombre de gentilshommes auraient envié à Jean Michaud sa beauté plastique, son élégance, sa distinction, l'aisance parfaite avec laquelle il présidait à ce repas improvisé et faisait les honneurs de la maison. « Et quoi ?» se disait-elle, avec l'étonnement naïf des gens titrés de cette époque. « Est-il possible que l'éducation nivelle à ce point les différentes classes de la société, qu'il devienne impossible de les distinguer l'une de l'autre et que le rejeton vulgaire d'un tailleur ait acquis sur des gens mieux nés une supériorité qu'on ne saurait lui contester sans injustice ?» Cette vérité qui lui crevait les yeux la bouleversait, l'inquiétait même, bien qu'elle n'eût rien à redouter de l'intimité momentanée dans laquelle elle allait vivre avec lui. D'ailleurs, il était difficile de faire autrement dans la situation où elle se trouvait. Veuve depuis 5 ans du colonel de Coissy, prématurément emportée par une fluxion de poitrine, qui lui laissa le temps à peine d'embrasser sa femme et ses enfants, la baronne, très douloureusement affectée de cette catastrophe imprévue, ne songea plus qu'à l'éducation de Valentine et d'André, sur lesquels se concentraient désormais sa sollicitude et ses affections. Elle avait confié leur éducation à un couvent fort en vogue à cette époque et seulement fréquenté par les filles de bonne maison. Afin de les surveiller de plus près, Madame de Coissy vendit les propriétés qu'elle possédait dans le Loiret, dont elle tira 20 000 livres de revenus. C'était tout ce qu'elle possédait. À cela, il convenait d'ajouter une pension de 3 000 livres que servait le ministère de la guerre à la veuve du colonel de Coissy. Avec cette fortune restreinte, elle ne pouvait pas prétendre à faire figure à Paris. Mais elle avait de quoi vivre et doter honorablement ses enfants. C'était tout ce qu'elle demandait. Aussi se tint-elle à l'écart, dans son petit hôtel du faubourg Saint-Honoré, jusqu'au jour où Valentine et André sortirent du couvent. Assurément, grâce à la réputation que lui avait léguée son mari, il aurait été facile de présenter ses filles à la cour. En raison de sa modeste fortune, et de l'isolement dans lequel la mort du colonel l'avait plongée, elle ne crut pas devoir le faire. Bonne et charitable à l'excès, elle trouva pourtant le moyen d'employer le crédit qui lui restait en faveur d'anciens compagnons d'armes de son mari, qu'elle avait connu jadis et que la fortune avait encore moins favorisé qu'elle. Ce fut justement dans une de ces circonstances qu'elle se rendit, accompagnée de Valentine, chez le régent d'abord, chez Dubois ensuite. Ce Dubois, elle ne l'avait jamais vu. Elle ne le connaissait que de réputation, et d'après ce qu'elle en avait entendu dire, elle s'était fort étonnée qu'on eût habillé un pareil homme de la pourpre des cardinaux et fait de lui un premier ministre. On comprendra donc la stupéfaction que lui causa sa première visite et les alarmes qu'elle conçut en le voyant multiplier ses visites dont Valentine était évidemment l'objet. En effet, c'était pour elle qu'il venait, ce n'était pas douteux. Il la faisait appeler quand elle n'était pas là, et ne se gênait aucunement pour exprimer l'admiration que sa beauté lui inspirait. Un pareil état de choses pouvait d'autant moins se prolonger qu'il n'y avait dans la maison ni père, ni mari, ni fils pour défendre les pauvres femmes contre de semblables impertinences. Julien était encore trop jeune pour s'ériger en protecteur et n'avait en outre aucun titre à jouer ce rôle délicat. C'est pour couper court à ces inconvenantes assiduités que Madame de Coissy avait décidé de quitter Paris. En se réfugiant au château de Neuville, et surtout dans les conditions où elle l'avait fait, elle se croyait bien certaine d'échapper aux obsessions de ce Dubois abhorré. Le château de Neuville n'était cependant pas à l'intérieur dans un état irréprochable. Acheté par Michaud avec les meubles qui le garnissaient, au moment où celui-ci vendait ses actions de la banque de Las pour les convertir en espèces, il n'avait jamais été habité depuis 5 ans et se ressentait naturellement de cet abandon. Rien n'y manquait néanmoins, et si, par-ci par-là, les tentures étaient un peu défraîchies, on y trouvait encore un confortable dont il était aisé de se contenter. Le parc, en revanche, était plus beau que jamais. Les arbres, les massifs, les gazons, les corbeilles de fleurs verdoyaient de cette incomparable fraîcheur sur laquelle un chaud soleil de printemps prodiguait les rayons de son ardente clarté. Des allées larges et dessinées par le nôtre, disait-on, serpentaient habilement à travers ces riants ombrages et ménageaient aux promeneurs des points de vue merveilleux. Situé entre l'Oise et le village de Neuville, le château était défendu du côté du village par un mur élevé, mais du côté de la rivière, que l'on n'avait pas voulu masquer, il n'était entouré que d'une haie vive, large, drue, haute de 4 pieds environ, par-dessus laquelle les gens qui suivaient le chemin de halage pouvaient facilement admirer les splendeurs de cette propriété seigneuriale. Pendant les 5 premiers jours, Madame de Coissy et ses filles, guidées par Jean, parcoururent dans tous les sens cette demeure enchanteresse, s'arrêtèrent à tous les repos, s'extasièrent sur tous les points de vue. Quant à Julien, il partait tous les matins à cheval pour se montrer au régiment, et revenait tous les soirs dès que son service le lui permettait. Naturellement, il observait avec le plus grand soin ce qui se passait autour de lui. Or, le second jour, à 100 pas derrière lui, un cavalier l'avait suivi jusqu'à Beson, où il avait disparu. Le 3e jour, un autre cavalier avait galopé sur ses traces depuis Beson jusqu'à Herblay, où il s'était arrêté. Le 4e jour, un autre cavalier avait quitté Herblay presque en même temps que lui et l'avait suivi jusqu'à la porte du château. Là, comme Julien avait fait halte avant d'entrer, ce cavalier avait, sans la moindre hésitation, passé devant lui au grand trot de son cheval et continué sa route dans la direction de Pontoise. Si ce cavalier et sa monture avaient toujours été les mêmes, le jeune officier n'aurait certainement conçu quelque ombrage. Mais ni la taille, ni le visage, ni le costume de l'homme, ni la robe de sa monture ne se ressemblaient. À une époque où l'on voyageait tant à cheval, ces coïncidences n'avaient donc rien de positivement inquiétant. Aussi Julien n'avait-il pas cru devoir communiquer ses particularités à ses amis, dans la crainte de troubler la tranquille paix au sein de laquelle il se laissait vivre. Depuis qu'il était à Neuville, Jean touchait en effet au 7e ciel. Il ne quittait André que quand il ne pouvait pas faire autrement, ne se lassait point de la contempler, buvait ses paroles, s'enivrait de ses regards, avait toutes les peines du monde à contenir l'amour insensé dont il était dévoré. Il ne s'était du reste pas trouvé seul avec elle une pauvre fois et n'avait par conséquent laissé échapper aucun aveu. Cependant, il avait l'intime conviction qu'André se sentait aimé et que si elle se détournait avec une rougeur naïve lorsque ses regards devenaient trop éloquents, ce n'était pas avec trop de colère qu'elle cherchait à les éviter. Un jour seulement, il lui avait tendu la main pour l'aider à franchir un pont rustique dont la solidité laissait à désirer et sur lequel sa mère et sa sœur venaient de passer avant elle. Or, Jean avait positivement senti trembler cette petite main dans la sienne. Il l'avait serrée, peut-être un peu plus vivement qu'il n'eût été convenable, et il lui avait semblé qu'André lui avait répondu par une imperceptible pression de doigt. Était-ce volontairement? Était-ce la frayeur qui avait provoqué ce mouvement nerveux? Jean n'osait répondre à aucune de ces deux questions, mais pour la première fois de sa vie, il était franchement heureux et poursuivait sans remords cette séduisante idylle. Le 6e jour, dans la matinée, pendant que Jean donnait ses ordres, Madame de Coissy et ses filles se promenaient seules dans le parc où il avait promis de les rejoindre, quand, en débouchant d'un massif qui longeait la rivière, la baronne aperçut un homme planté debout derrière la haie et qui se baissait rapidement à son approche. Vivement, elle courut vers lui, se pencha sur le chemin de halage et crut voir cet homme, courbé en deux, fuir à toutes jambes le long de la haie, dans la direction de Conflans. Malheureusement, la haie était si large et si épaisse qu'il ne lui fut pas possible d'en acquérir la certitude. Si lestement que cet inconnu se fut dérobé à ses regards, la baronne avait eu néanmoins le temps de distinguer le haut de son corps et, vaguement, son visage barbu qu'un grand chapeau de feutre abritait des rayons du soleil. Quand Jean arriva, Madame de Coissy lui fit part de ce qui venait de se passer et s'en étonna. « Car enfin, dit-elle en finissant, si cet homme est paysan, quelle raison de se cacher peut-il avoir ?» Jean l'écoutait avec la plus grande attention. « Mais comment était-il cet homme ? » demanda-t-il. « Pourriez-vous m'en donner le signalement ?» « À peu près, oui, répondit la baronne. C'est un homme grand et fort, âgé de 45 ans environ, aux traits communs ou au teint coloré, dont une épaisse barbe rousse encadre la figure. Il était vêtu d'un costume de paysan et coiffé d'un large chapeau gris qui lui couvrait tout le haut du visage. 6 mètres de lui qu'il voulut être, Jean avait légèrement tressailli. Presque trait pour trait, ce signalement était celui de Barberousse, l'agent secret du cardinal. Était-ce possible? Il avait donc découvert leur retraite? Comment? Il ne voulut pas laisser percer l'agitation que lui causait cette nouvelle. « Oh ! » dit-il d'un ton dégagé, « probablement quelques maraudeurs que votre présence a bien certainement effrayé, et qui a eu plus peur que vous, puisqu'il s'est sauvé. « Vous croyez ?» fit la baronne, tout à fait rassurée par ses paroles. « J'en suis à peu près certain, » affirma Jean sur le même ton. Puis, comme Valentine et André dardaient sur lui le regard craintif, il n'eut pas le courage de les supporter. « Continuons notre promenade, » reprit-il avec un sourire. Mais intérieurement, il se promit bien de signaler cette bizarrerie à Julien dès qu'il serait de retour. La journée se passa sans incident nouveau. Cependant, après dîner, tandis que la baronne et ses filles changeaient de toilette, Jean s'approcha d'une panoplie d'armes qui décorait un cabinet du rez-de-chaussée, en détacha les fusils et les pistolets qui y étaient accrochés pour s'assurer que les batteries fonctionnaient bien et que les pierres faisaient toujours feu. Vers 6 heures, Julien arriva. Jean l'accompagna dans sa chambre et lui raconta ce qu'avait vu la baronne. « Je m'en doutais, » s'écria le jeune officier, « j'étais suivi. » Jean chancela. Il lui sembla que son bonheur s'effondrait tout à coup. « Que dis-tu? Tu as été suivi ? » demanda-t-il d'une voix étranglée. Julien lui raconta à son tour comment, 3 jours de suite, 3 cavaliers avaient fait la même route que lui de Paris à Beson, de Beson à Herblay et d'Herblay à Neuville. « Et cela n'a pas éveillé tes soupçons ? Et tu ne nous en as pas parlé ?» gronda Jean. « Non, je croyais des rencontres fortuites, » balbutia le jeune officier. « Et puis, je craignais d'effrayer ces dames. » « Mais moi, tu aurais dû m'avertir, » fit observer vif Argent. « Sans doute, mais je te le répète, je ne pouvais pas m'imaginer. »« Allons, » interrompit Jean avec un brusque mouvement de colère. « Je vois qu'il n'y a pas de temps à perdre. Dès demain, si Barberousse nous en laisse le loisir, il faudra quitter Neuville. Mais où irons-nous »« Est-ce que je sais, moi ?» répondit vif Argent avec humeur. « Nous irons droit devant nous, au hasard. »« Ah, merci, cher ami, de prendre si chaudement mes intérêts. » s'écria le jeune cornette avec feu. « Eh, tes intérêts ne sont-ils pas les miens ?» répliqua Jean. « Ne sais-tu pas que je suis fou d'André ? Et t'imagines-tu que ces trop courtes journées d'ivresse aient atténué ma folie ?» Puis reprenant aussitôt tout son sang-froid. « En attendant, il faut aviser, » poursuivit-il. « Si Barberousse nous réserve quelques tours de sa façon, c'est évidemment la nuit qu'il tentera de nous surprendre. Donc, dès aujourd'hui, il faut nous tenir sous nos gardes. »« Bah, qu'il vienne !» s'écria Julien. « Il trouvera à qui parler. Sans doute. Mais comme il ne reviendra probablement pas seul, nous ferons bien d'être en nombre pour le recevoir. Or, je me suis assuré déjà que nos fusils et nos pistolets sont en bon état. Il s'agit de les charger, de prévenir nos domestiques et de les armer. C'est moi qui m'occuperai de ces détails. Toi, tu vas tenir compagnie à ces dames jusqu'à l'heure du souper. Surtout, ne leur dis pas un mot de ce qui se passe. » Il sera toujours trop tôt de leur annoncer le danger qui les menace. À ces mots, il s'éloigna, sonna ses domestiques, fit appeler le concierge, le jardinier, leur apprit qu'on avait vu rôder des hommes à mine suspecte autour du parc et qu'il serait bon de se tenir prêt à les recevoir en cas de besoin. Tous les 4 promirent bravement de l'y aider. « Et de la bonne façon, » ajouta le concierge, qui avait servi comme soldat pendant 15 ans. Jean leur montra les armes qu'il avait chargées et amorcées. « Venez me rejoindre dans mon cabinet dès que le souper sera terminé. Je vous donnerai mes ordres. » À ces mots, il les congédia et passa dans le salon, où Madame de Coissy et ses filles commençaient à s'étonner de sa longue absence. « Excusez-moi, mesdames, » leur dit-il en entrant, « mais le château n'a pas été habité depuis si longtemps que j'ai dû le parcourir du haut en bas avec le concierge pour y autoriser les réparations urgentes dont il a besoin. » La raison était trop plausible pour soulever le moindre doute. Jean causa d'un esprit dégagé. Julien lui donna de son mieux la réplique, de sorte que pas une des dames ne soupçonna sous le coup de quelle terrible anxiété ils se trouvaient tous les deux. Le souper, servi presque aussitôt, fut aussi gai que les jours précédents. Il n'y fut même pas question de l'homme à la barbe rousse, qui avait mis un instant tout le monde à l'envers. Quand on se leva de table, Jean demanda la permission de passer dans son cabinet pour y vérifier divers comptes qui lui avaient été présentés et que son père l'avait prié de solder, permission qui lui fut naturellement accordée. Quant à Julien, il se laissa tomber sur un fauteuil et feignit une grande fatigue. Madame de Coissy s'en aperçut et le plaignit de tout son cœur. « Le fait est, avoua-t-elle, que nous vous faisons mener une vraie vie de galérien, mon pauvre ami. S'il y a à cheval le matin pour vous en aller, autant le soir pour revenir, sans compter les exercices auxquels vous vous livrez dans la journée. » « C'est vrai, » fit le comte. « Nous avons manœuvré pendant 4 heures en plein soleil aujourd'hui. »« Pourquoi ne demandez-vous pas un congé de quelques jours ?» dit la baronne. « Cela ne vous empêcherait pas d'aller voir votre chère mère à Paris quand bon vous semblerait. Est-ce qu'on vous refuserait cette faveur ?»« Je ne crois pas, madame. La preuve, c'est que j'y avais pensé. » « Eh bien, sollicitez dès demain votre congé, » insista madame de Coissy. « Valentine ne sera pas fâchée de vous garder un peu plus longtemps auprès d'elle. » « Ni moi non plus, » ajouta vivement le jeune officier. « D'ailleurs, » poursuivit la baronne, « cette situation ne saurait s'éterniser. Puisque vous êtes maintenant le fiancé de Valentine, vous avez à la protéger des droits que personne ne saurait vous contester, que je vous autorise à faire valoir et qui devraient la mettre à l'abri des poursuites dont tel est l'objet. » « Vous avez tellement raison, madame, que je brûle d'annoncer ce mariage à tous mes amis. Ma mère, à qui j'en ai fait part avant-hier, se fait une fête d'y assister. » « Aussi, c'est votre faute, » interrompit madame de Coissy. « Pourquoi avez-vous attendu que nous soyons à Neuville pour m'adresser votre demande ? Croyez-vous qu'elle m'a surprise et que, depuis longtemps, je n'y étais pas préparé ? Je ne pouvais cependant pas vous jeter ma fille à la tête. Si vous vous étiez déclaré plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. » « Je ne le nie pas, madame, mais l'occasion ne s'était pas présentée. Je ne savais pas si Valentine m'accepterait, si elle m'aimait. »« Mauvaise raison que tout cela, mon ami. Convenez donc franchement que vous êtes un bon, très bon, très brave et très honnête gentilhomme, mais que vous avez un caractère irrésolu, qui ne vous permet de prendre un parti que quand vous ne pouvez, pour ainsi dire, pas faire autrement. C'est un défaut dont il faudra vous corriger, mon cher Julien. » Car il nuirait plus tard à votre avancement dans la carrière que vous avez embrassée. » Alors, s'approchant de lui, elle le força doucement à se lever de son fauteuil. « Maintenant que je vous ai bien sermonné, dit-elle, j'ai pitié de vous. Allez vous coucher, nous en ferons autant. » Julien ne demandait que cela. Il accompagna ces dames jusqu'à la porte de leur appartement et alla retrouver Jean. Comme on le voit, il avait rattrapé le temps perdu depuis qu'il était à Neuville. Comprenant la fausseté de la situation dans laquelle se trouvait la baronesse et ses filles, et dans laquelle il se trouvait lui-même, il lui avait enfin demandé la main de Valentine, qu'elle s'était empressée de lui accorder. Elle le connaissait de si longue date et avait depuis tant de temps surpris le secret de cet amour, qu'il lui avait été facile de sonder les dispositions de sa fille aînée à cet égard. Ce fut donc avec une satisfaction profonde qu'elle consentit à les unir. Cet hymen allait resserrer encore les liens d'étroite amitié qui l'unissaient à la comtesse de Montbazin. Enfin, le fiancé de Valentine pouvait accepter désormais, sans que personne songeât à s'en étonner, l'hospitalité que son ami Jean-Michaud lui avait offerte. Par conséquent, dans une quinzaine de jours, quand on aurait dépisté les recherches de Dubois, on pourrait rentrer à Paris sans danger et procéder à la célébration du mariage. Cela eût été en effet la chose la plus simple du monde, si l'on avait eu affaire à un tout autre homme que Dubois. Mais cet incorrigible vaurien n'allait point lâcher pied si aisément que se l'imaginait la baronne. Assurément, ce n'est à prendre rien à personne, ni tenter de jeter sur le clergé un jour fâcheux, que de considérer Dubois comme un impudent aventurier. Il est avéré pour tout le monde que Dubois n'avait jamais reçu les ordres. Il est également à peu près certain qu'il s'était marié à Brive-la-Gaillarde, dont il était originaire, et qu'il fit disparaître plus tard la feuille du registre de la paroisse sur laquelle figurait son acte de mariage. Quelle idée baroque lui vint de porter la robe, de se faire sacrer évêque, archevêque, puis de demander le chapeau de cardinal. C'est inexplicable à tous les points de vue. Les exigences de la politique elle-même ne sauraient justifier la coupable faiblesse avec laquelle ses honneurs lui furent accordés. Quant à lui, en face du portrait que l'histoire nous en a laissé, il devait plus que personne sourire des incroyables faveurs dont il avait été l'objet. Dépravé jusqu'aux moelles, vicieux jusqu'à l'effronterie, méprisé par ceux-là même qui s'inclinaient devant lui, Il ne se soutint jusqu'au bout que par son intelligence et les ignobles complaisances dont il usa envers son maître. Pourtant, si Philippe d'Orléans, qui ne valait guère mieux que lui sous le rapport des mœurs, fit de ce pied-plat son favori, on sait qu'il ne fut jamais sa dupe. Dans le cœur du régent, il eut toujours un fond d'honnêteté, qui le faisait rire le premier des plaisanteries sanglantes dont Dubois était la cible, et qui ne lui permit en aucun cas de transiger avec les lois de l'honneur et de la justice. Jusqu'à son dernier souffle, Dubois resta donc ce qu'il avait toujours été, un être sans scrupules, à qui tous les moyens étaient bons pour satisfaire ses passions. Valentine lui avait plu. Il s'était enquis d'elle, de sa famille, avait appris qu'elle vivait avec sa mère et sa sœur, que ni père, ni frère, ni proches parents n'étaient là pour la défendre. C'était une proie trop belle et trop facile pour reculer devant cette entreprise. Il avait donc tenté de faire en personne le siège de la jolie brune, mais voyant la baronne se dresser sans cesse entre elle et lui, certain que Valentine ne subissait ses assiduités qu'avec une répugnance manifeste, il renonça à triompher de ses rigueurs par les moyens de séduction ordinaires. Il fit venir Barberousse, son âme damnée, une brute abjecte, perclue de vices, qui n'avait pour lui que beaucoup d'audace et un reste d'intelligence, et il le chargea d'enlever tout bonnement Valentine. Muni d'un plan détaillé qu'il avait dressé sur les indications de Dubois, Barberousse alla rôder autour de l'hôtel afin de prendre les dispositions nécessaires. Par malheur pour lui, il était connu comme le loup blanc de tous les gens qui fréquentaient la cour. Aussitôt que Julien l'aperçut, il soupçonna le danger qui planait sur Mademoiselle de Coissy et décida sa mère à quitter Paris. Jean n'avait fait qu'organiser la fuite, mais il l'avait fait avec assez d'habileté pour dépister Barberousse qui ne s'attendait guère à pareille surprise. En effet, quand il revint le lendemain, pour préparer le coup qu'il méditait, il trouva l'hôtel vide et fut horriblement désappointé. Cependant, il ne perdit pas courage. Par les informations qu'il avait prises, il savait que la baronne était partie à 9 heures du soir dans une chaise attelée de 2 chevaux gris pommelés, escortée par 2 cavaliers montés sur 2 chevaux bais. De ces 2 cavaliers, lui avait-on dit, l'un portait un costume d'officier, l'autre était un habit de voyage. Il n'était pas difficile à Barberousse de deviner quel était l'officier. Il savait que le comte de Montbazin, cornet au cheval léger du roi, allait tous les jours chez madame de Coissy, donc l'officier c'était lui. Du second cavalier, Barberousse ne s'inquiéta même pas. Il fut évident pour lui que Julien, qui allait tous les jours chez la baronne et qui probablement courtisait une de ses filles, ne se priverait pas longtemps d'un plaisir dont il avait contracté la douce habitude. Il fit donc surveiller Julien. Rien n'était moins dangereux puisque le jeune officier ne se doutait de rien et ne prenait aucune précaution. Conformément aux ordres de Barberousse, dès le second jour, un cavalier trottait derrière le comte jusqu'à Beson et venait rendre compte à Paris de sa mission. De Paris, un autre cavalier allait pendant la nuit prendre à Beson la place de son camarade et escortait le cornet jusqu'à Herblay. Là encore, toujours pendant la nuit, un troisième cavalier, également venu de Paris, guettait le passage de Julien, le suivait jusqu'à Neuville et continuait son chemin dans la direction de Pontoise pour ne pas éveiller les soupçons du comte. Mais il avait eu le temps de remarquer l'endroit où Julien s'était arrêté, de sorte qu'en revenant à Neuville par un chemin de traverse, il lui fut aisé de se renseigner dans l'auberge où il s'arrêta. Il n'y avait à Neuville qu'un château. Il appartenait à M. Michaud, qu'on prétendait riche à 50 millions. Ce château, après avoir été longtemps abandonné, était habité depuis 5 jours par le fils de M. Michaud et par un officier de ses amis, ainsi que par une dame et ses 2 filles, des parentes de M. Michaud selon toute vraisemblance. Non seulement aucune erreur n'était possible, puisqu'il y avait juste 5 jours que Mme de Coissy était partie de Paris, mais encore on connaissait maintenant le nom du second cavalier qui accompagnait le comte de Montbazin, c'était Jean Michaud. Sur le champ, le cavalier retourna à Paris. Le soir même, Barberousse s'était renseigné. Il ne perdit pas de temps, lui non plus. À la tête de 8 hommes, bien montés et bien armés, il arrivait à Conflans dès 6 heures du matin, se procurait à l'auberge un costume de paysan et s'en allait tout seul, à pied, explorer les environs du château. Il achevait d'en faire le tour, après en avoir examiné le fort et le faible, quand Madame de Coissy l'avait surpris derrière la haie. Il espérait avoir exécuté son mouvement de retraite assez tôt et assez vite, pour qu'il ne fût pas remarqué. Afin de s'en rendre compte et après avoir longé dans sa fuite la haie qui clôturait le parc du côté de l'Oise, il s'arrêta dès qu'il en eut atteint l'extrémité, se jeta dans le champ voisin, puis, penchant légèrement la tête en avant, à travers l'épais feuillage qui le masquait entièrement, il observa. Personne ne paraissait sur le chemin de halage, ni ne le suivait des yeux par-dessus la haie, dont le mur verdoyant et bien taillé se profilait à sa vue avec une netteté parfaite. Au bout d'un quart d'heure, persuadé qu'il n'avait pas été aperçu, il regagna Conflans où il avait laissé ses camarades. Barberousse se trompait. La baronne l'avait assez vu pour donner de lui un signalement à peu près exact. Elle n'en avait pris, il est vrai, aucun ombrage. Mais il n'en était pas de même de Vif-Argent, qu'il avait écouté avec la plus grande attention. Si madame de Coissy avait, en effet, tracé de lui un portrait de paysan vulgaire, peut-être Jean aurait-il cru réellement à la présence d'un simple maraudeur. Mais la barbe rouge de cet homme, un ornement dont il était si fier et auquel il devait le surnom sous lequel il était connu, l'avait désigné d'autant plus clairement à la défiance de Jean que Julien lui avait déjà signalé la présence de ce coquin autour de l'hôtel de la baronne. Jean ne douta pas un instant que ce fût lui qui rôdait autour le long du parc et, comme au contraire du jeune comte, il avait beaucoup de présence d'esprit et de décision, il songea sur le champ à se mettre sur la défensive. Avant souper, ses préparatifs étaient faits, ses domestiques avertis, sans que madame de Coissy soupçonnât plus que Valentine et André les terribles complications auxquelles elles étaient exposées. Lorsque Julien put enfin aller le rejoindre, il trouva Vif-Argent entouré de ses quatre domestiques. « Si l'homme que nous avons cru reconnaître aujourd'hui nourrit de sinistres projets, leur disait-il, il est évident que ce n'est pas du côté du village qu'il tentera de s'introduire ici, mais bien du côté de la rivière, où il ne rencontrera qu'un obstacle facile à franchir. C'est donc là qu'il faudra exercer la plus grande surveillance, tout en ne s'éloignant pas trop du château, de manière à y trouver aussitôt un refuge. Mais on pourrait lâcher les deux chiens de montagne qui sont dans la cour, fit observer le concierge. Gardez-vous-en bien, ils les tueraient. D'ailleurs, nous avons besoin d'eux dans la cour. Au cas où les drôles essaieraient de pénétrer par la porte d'entrée, les aboiements de nos chiens nous en avertiraient. Alors, que ferons-nous ? Demanda Julien. Je me placerai moi-même en observation dans un des massifs plantés près de la rivière, à proximité du château. Vous autres, tenez-vous-en au rez-de-chaussée dans ce cabinet, et ne bougez pas avant que je vienne vous donner l'alarme, ou que je tire un coup de pistolet pour vous appeler à mon secours. Puis, se tournant vers le jeune officier, « C'est toi, poursuivit Jean, qui voudra bien veiller à ce que mes instructions soient rigoureusement suivies. » À ces mots, il distribua à chacun de ses domestiques un fusil, une paire de pistolets, et leur enjoignit d'éteindre la lumière. 10 heures sonnèrent au même instant. Alors Jean passa ses pistolets dans sa ceinture, s'assura que son épée jouait bien dans le fourreau et sortit par la porte-fenêtre qui ouvrait directement sur le parc. 5 minutes après, il se dissimulait dans un massif de rhododendrons situé à 100 pas au plus des bâtiments et d'où il pouvait sans danger surveiller les bords de l'Oise. Là, dévorant des yeux l'obscurité, il attendit.